Est-ce que vous avez peur le soir ? Partage, le podcast qui laisse enfin la parole au seigneur du 18e. Donc là, on revient de l'exposition Baselitz au centre Georges Pompidou. Donc, à vous les filles. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas du tout l'artiste avant qu'on aille la semaine dernière au musée d'art moderne voir les 6 toiles là, donc, qui ont fait l'objet d'une donation. Mais moi, j'avoue que je ne suis pas forcément sensible à ce genre de peinture. Mais je trouve que c'est bien d'avoir des repères et puis de se rendre compte de ce que peut sortir un artiste par rapport à quelqu'un qui est comme moi, qui n'est pas du tout la même sensibilité. Mais moi, c'est la même chose. Cet artiste, je ne le connaissais pas. J'avoue que je suis vraiment venue avec un regard de découverte. Les premières toiles m'ont surprise, voire même choquée. Et grâce à cette guide qui nous a bien expliqué le chemin de vie, on va dire, d'avancer dans l'âge de Baselitz, nous permet de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il exprime dans ses compositions. Et effectivement, en fonction des périodes, on s'aperçoit qu'il y a plus ou moins de couleurs qui rappellent le drapeau allemand, des couleurs un peu plus naturelles lorsqu'il habitait à la campagne. Enfin, il a eu quand même un vécu, ce demi-siècle, impressionnant, et c'est ce qui fait partie de l'histoire, en fait. C'est vraiment un artiste, quelqu'un de très sensible, comme la plupart des artistes, et qui a exprimé des choses très très fortes, avec beaucoup de recherches, de techniques. Aussi, ça j'ai découvert grâce à la guide. Un bon moment. Merci à Canopy. En matière de peinture, est-ce que vous avez vu la... Parce qu'il fait quand même... il est allemand, mais il a fait quand même l'école de l'Est, hein, avant de passer à l'Ouest. Et ce qu'on avait vu, qu'on avait été voir les œuvres qui ont été données à la fondation, au musée d'art moderne. Et on le voit bien dans sa peinture. Là, on le voit encore mieux. Hein. Tu as vu la façon de faire de la peinture, de l'expressionnisme, comment il arrive. Il y a cette école qui est quand même très présente, en tout cas. Ensuite, le passage à l'abstrait. Bon, il fallait savoir aussi son histoire personnelle, mais est-ce que vous avez vu ça, ce côté-là ? Ce côté artiste allemand, artiste de l'expressionniste, qu'on le met bien dans une... On arrive à le classer dans ce type de peinture. Vous avez vu ça, vous, ou pas ? Peut-être sur certains tableaux, mais vers la fin de l'exposition... Quand on apprend qu'il vieillit, qu'il se pose des questions sur l'après, etc., c'est un autre personnage. En fait, c'est sur un demi-siècle, enfant, adolescent, l'école, les beaux-arts, ses différents voyages, découvertes, rencontres font ce qu'il exprime dans sa peinture. Au début, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes avec une représentation du soldat, de la rigueur. Après, c'est plus flou, c'est plus humain, je dirais. Moi, je me suis rendu compte d'un changement. Puis, ses dernières œuvres, encore différentes. Mais c'est ce qui fait justement l'originalité d'un artiste, c'est transmettre sur ses toiles tout ce ressenti, cette sensibilité, l'avancée en âge. Et bon, peut-être qu'au début, on peut peut-être le caractériser comme un peintre allemand, mais je pense que par la suite, effectivement, il s'est enrichi des techniques d'autres artistes connus également. C'est intéressant de voir ça. Partage, le podcast qui laisse enfin la parole au seigneur du 18e. Alors, je connaissais de nom, mais j'avais pas du tout fait la recherche. J'avais pas eu la démarche, en gros, de creuser le personnage et tout. Donc là, l'apport historique de la guide était extrêmement bien amené. Voilà, perso, j'ai juste eu des coups de cœur artistiques parce que j'adore la peinture éclatante avec des grands aplats, donc les tableaux comme The Hand, là où on voit la main de Dieu qui porte le monde. Donc toute sa période de jeunesse, mais encore de questionnement par rapport au catholicisme et tout, moi c'est la partie qui m'a le plus touchée, quoi, parce que ça arrive au milieu des soldats et là un tableau tout calme avec donc cette main qui porte une maison. C'est surprenant, enfin en termes de scénographie, c'était très surprenant. Moi je connaissais un tout petit peu. Je suis très contente qu'il y avait un guide qui était aussi passionné, qui a même lu la poésie, qui avait des contextes historiques. Parce que c'est beau, ça. Parce qu'il y a des choses qui me seraient passées à travers. Elle avait beaucoup de références de ses semblables et les références dans ses peintures qui m'ont permis d'avoir un contexte. Au début, j'étais un peu sensible ou heurtée par toutes les... Il n'a épargné aucune thématique. Au début, il y avait des fous. Après, il y avait des parties du corps, toute la série des pieds qui étaient en état de dégradation. C'était très impressionnant. Après, il y avait l'arbre rouge. Après, il y avait des images. Après, il y avait des défragmentations et des compilations. Il avait changé de technique. Et après, il n'a épargné aucun thème. Il y avait des chiens qui étaient empaillés. Il y avait des hommes troncés. Il y avait toujours des références. Mais plus les sujets étaient... difficile, plus les couleurs étaient belles. Et c'était un contraste avec des couleurs très vives. Et j'étais impressionnée par la variété et l'évolution de ces techniques. Donc on a pu voir les choses qui ont passé de tronqué à la première qui était à l'envers, mais qui vraiment était faite à l'ubu, qui était retournée à ceux qui étaient à l'envers. Et j'étais impressionnée par nos propres capacités à ne pas être dérangées de regarder les choses à l'envers au bout de 3 minutes. Ça nous semblait... Ça ne nous perturbait plus. Donc, finalement, on a beaucoup plus de potentialité de vision autre. Par contre, quand il y avait des lithographies, si elle ne m'avait pas dit que c'était 45 ou 90 degrés, je n'aurais pas compris. Donc, il a suffi qu'elle le redise. Donc, on a tous pris des photos et on les a regardées à l'envers, etc. Donc, on a fait un ajustement. Donc, je trouve que cette gymnastique cérébrale et division était très intéressante. Et à la fin, c'était presque touchant, à la fin. Des œuvres avec des très grands formats, avec des choses très personnelles. Oui. Le couple et sa femme. Oui. C'était très touchant. C'était une belle découverte. C'était plus doux. Ça, c'était plus doux, ouais. Encore... une autre phase de sa vie, oui, plus douce. Enfin, comment dire, après avoir vécu des moments aussi forts, là, avançant en âge, enfin, c'est mon ressenti, effectivement, même dans ses couleurs, et puis le travail de ses tableaux à l'envers avec son épouse, c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé. Dans les différentes phases de sa vie, il y avait des parties qui étaient très crues au début, après l'arbre, après les séries qui étaient coupées après à l'envers. Et après, ça évoluait, mais après, il y avait un morceau où il était quasiment à l'intérieur de la tableau, où il se posait dedans pour faire autour de lui. Et ensuite, il avait un regard plus doux. Moi, je trouve que, franchement, c'est très intéressant de voir une exposition comme ça consacrée à un artiste, parce que l'autre jour, quand on est allé au musée d'art moderne, on a vu 8 toiles, mais c'est loin de représenter l'ampleur de sa production. Parce que franchement, j'en étais restée avec cette histoire de peindre à l'envers, mais c'est beaucoup plus ample que ça, sa façon de voir les choses. C'est une question de une évolution. De la guide, c'est savoir combien de toiles, de tableaux, il a pu créer. À mon avis, elle était prolifique. Oui. parce que vu l'exposition... Celui qui avait le portrait de blanc à l'envers avait donné 170 œuvres. Et t'as vu, 170 œuvres, non Oui, mais c'est lui qui a donné 170 œuvres ou c'est son ami? Moi, j'ai pas compris, c'était le Kirchner, là, au musée 160. Et qui sont au musée d'art moderne, nous, ils ont montré... C'est la dernière. C'est lui, c'est les six. Oui, c'est pas le même ami qui a donné. Oui, ah bon, oui, c'est ça, oui, oui. C'est la dernière donation, mais ça veut dire que le musée d'art moderne, ils ont ah oui, oui, bah, mais ça veut dire que c'est l'homme avec la chemise coquelicot. Oui, c'est ça, c'est l'homme avec la chemise coquelicot. Oui, c'est ça, oui, qui a fait la donation. Vermeer, ça ressemblait au nom du peintre. Non, c'est intéressant. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'on avait été voir la donation, il disait qu'il y avait une expo en 2011. Oui, c'est ça, oui, en 2011. Pourquoi on en parle de lui maintenant? Pour que... Hasard des curateurs, ouais. du marché de l'art. Parce qu'il c'est un contemporain, ouais. Il n'est pas si ancien que ça. Il est très vieux. Il est né en 38 ou 37, donc voire, oui. Il n'a plus de. Il a presque 4 ans. Le calendrier des expos dépend aussi de l'âge de la notoriété, mais de l'âge, et puis aussi de tout ce qui est à côté, c'est le marché de l'art, les curateurs. Et puis du bon vouloir, je pense aussi, des responsables de musées qui veulent, à un moment donné, mettre en valeur tel ou tel artiste. Mais je reviens pas, parce qu'il a vu son père être le héros, le soldat, et après la déchue et la chute. Mais lui-même, il a mis des trucs à l'envers, mais il a fait des trucs assez provocateurs. Ah bah tout à fait. C'est-à-dire oui, l'aigle à l'envers. Oui. Il y avait des trucs que j'avais pas compris. C'était un chien sur la chaise avec des croix gammées. Oui. C'est pas une vraie croix gammée parce qu'elle est à l'envers également. Ouais. Ouais, donc, mais en fait, il y avait des images. Il a fait beaucoup de références politiques et des choses comme ça. Bien sûr. Et il n'a pas. Je sais pas comment il a fait pour ne pas avoir des ennuis. Il a eu sa carrière. Il a eu des très gros problèmes. Ah, j'ai loupé ça. Dans la première salle. Il a eu des très gros problèmes. L'expo, il a été Pour attentat à la CUDA. Oui, celui avec le premier, le bâton. Après, à Venise, la pénale, oui, oui. Ah oui, ah bon, ah oui, oui. Et alors, ce qu'il a appris aussi très tardivement, c'est que dès sa plus tendre jeunesse, il a quand même été suivi de près par... Il avait les binoculaires. Quand il était à l'aise. Son modèle, donc la femme, ça avait un modèle, prenait note de tout ce qu'il pouvait dire. C'est horrible. Pendant. Donc il a découvert ça après coup. Ça, c'est horrible. Malheureusement, il y a quand même. C'est la Stasi, donc. Plusieurs pays où. Tous les intellectuels, les artistes sont. En Russie, enfin, je dis en Russie, en URSS. En Amérique latine aussi, partout. Partout, il y a des dictatures. Hein. La Stasi, c'était 85%. On avait été en Allemagne, vous avez dit, c'était 85% de la population était espionnée. Ah, oui. Ça veut dire que tu étais espionnée partout. Oui, tous tes voisins. Enfin, je veux dire, t'imagines la paranoïa. Il y a un film d'ailleurs. La vie des autres, exactement. C'est impressionnant parce que tout le monde pouvait te. Il y a un soupçon sur ton voisin généralisé. Ouais. Quoi. En compte, j'espère qu'il n'avait pas dit trop de choses à sa modèle. Oui. Sinon, boum. C'est pour ça, je ne sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a d'être française, oui. D'avoir cette liberté d'expression, de vivre nous femmes comme bon nous semble, de sortir, d'aller dans des expositions sans être accompagnée. Non, mais c'est clair. Mais après, c'est aussi parce que le régime ne le permet pas. Parce que si on avait un régime qui permettait... Parce que, par exemple, pendant l'occupation française, la délation était légale. Ouais. Et t'as vu le résultat. En fait, c'est si tu lâches les freins... L'être humain, il est capable du meilleur comme du pire. Mais c'est pour ça aussi que, si tu veux, quand tu vois l'expression d'un artiste qui peut se permettre n'importe quoi, qui conteste tout... c'est bien, mais je veux dire, heureusement qu'on a des règles qui régissent la vie en société, parce que sinon, ce serait invivable. Partage le podcast qui laisse enfin la parole au seigneur du 18e. Et je me demande si, sur certaines de ces images, est-ce qu'il les a imaginées ou c'est oui. des scènes qu'il a vues avec des chiens tronqués Moi, je pense quand même qu'il y a une part non, aussi d'imagination. Parce enfin, il a vu les images des camps. Sûrement. Ben, puis c'est-à-dire, c'est transposé dans son esprit. S'il était jeune, à la de cette libérante. Façon. Ben, il jouait avec des armes. Il est entouré de soldats. 6 ou 7 ans. Il a pas fait grand-chose. Donc, enfin, jusqu'en 45, enfin, 8, enfin, il avait moins de 10 ans. Ouais, c'est ça. Donc, disons que quand il était gamin, il se rendait pas compte. C'était son environnement. Ce papa qui était soldat, défendre le pays. Et puis après coup, il a eu l'intelligence d'analyser les événements, etc. Puis du coup, il y a des choses qui sont sorties et il a projeté sur la toile tout ce qui s'est passé. Il a vécu sous le régime d'Allemagne de l'Est. C'était quand même très particulier. Oui, j'ai beaucoup aimé la photo qui était pour les deux personnages, les amis, les héros, comment ça s'appelait. Les deux personnages, il y en a un qui tombait la main et l'autre qui... Pas les héros. Les héros, mais c'était les amis qui on pouvait imaginer. C'était l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Les héros, c'est ça, la grande salle. Oui, avec le drapeau qui était par terre. Moi, j'avoue que je m'attendais pas du tout à voir ça après ce qu'on avait vu au musée d'art moderne. On s'attendait pas à ça. Ah non, non. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la grandeur des toiles. Oui, impressionnant. Sur des trucs un peu plus raisonnables. Oui, tout à fait. Monumental. Et alors, c'est pareil, quand tu vois l'arbre, que tu vois l'arbre là et que tu vois celui qui est au musée d'art moderne, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est pareil. Et Catherine a dit que ceux en bronze, qu'on croirait que c'est en bois, il y a le même devant le... Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu de France, mais debout. Quand on est allé à la Monnaie de Paris, là, tu sais, pour voir l'expo que vous aviez convié, là, voilà, je suis passée devant, effectivement, je m'étais dit, voilà. Et c'est vrai que, d'ailleurs, ça rend bien. J'ai beaucoup aimé, contrairement, par exemple, à George O'Keeffe, où le sens de la visite n'était pas obligé. Là, chaque pièce avait son univers. Oui, tout à fait. Il y avait des pièces qui avaient les univers avec des prises de vue qui étaient marquantes. Il y avait des trucs, il y avait les statues en bois avec le bras devant, avec les tableaux jaunes derrière, avec le bleu. C'était une mise en scène, c'est vrai. Ça fait un vrai regard des yeux. La fenêtre était teintée jaune. Oui, vous étiez aux fenêtres et je me suis dit, c'est une continuation du tableau. Oui, c'est vrai que c'est... Il y a une belle scénographie. La scénographie de la dernière pièce était super, avec de grands arbres comme ça, avec de grands formats. C'était vraiment de belles... Ça, c'est aussi un grand travail. Lors des expositions, justement, des personnes qui décident de choisir tel et tel tableau et de mettre en avant dans chaque salle des tableaux pour justement mieux appréhender en fait l'œuvre du peintre. C'est tout un art aussi, ça, de le faire. Puis ensuite d'avoir une très bonne guide. Elle connaît bien l'artiste. Elle avait oublié son portable, c'est ça. Elle a oublié sa tablette. Elle nous a dit qu'il était en panne. Mais c'était vraiment bien. Elle était vraiment. En plus, elle expliquait bien, elle rajoutait des éléments. C'est tellement important, les guides, en fait. Ah, indispensable pour moi. C'est fou, hein. Parce que nous, on n'a pas l'œil suffisamment. Enfin, pour moi, j'ai pas l'œil suffisamment expert pour vraiment détailler les œuvres. Formation, si elle nous avait pas expliqué. Je veux dire, c'est des gens qui ont fait des études déjà d'art et qui en plus. Je pense que quand il y a une exposition comme ça, on les prépare. Ils doivent être préparés, lire tout ce qui. Sélectionner aussi en fonction de leur sensibilité. Oui, mais. Par exemple, quand on a été voir l'exposition à la Bourse de Commerce, j'ai vraiment vu la différence parce que j'ai vu la même. Oui, justement, c'est avec deux conférences différentes. Oui, ça m'a vraiment marqué. C'est ce que tu me disais. Une exposition. Oui, mais c'est sûr. C'était complètement différent. C'était vraiment la personnalité du guide est aussi importante. Ah, mais c'est sûr. Il y en avait un qui était fasciné par l'architecture. Il nous a parlé de l'immeuble. La seconde fois, pas du tout, c'était encore autre chose qui... Oui. Et c'était intéressant. Donc c'est bien et c'est pas bien. Parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce que je vois vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en fonction des passions et puis de l'intérêt que la personne qui te montre peut avoir, ça change complètement le regard. Mais là, sur le hasard des curateurs et pourquoi cette exposition maintenant, je trouve ça drôle parce que la première salle, elle répond... c'est l'inverse pour moi de l'exposition Le Surréalisme en plein soleil qu'il y avait à l'Orangerie là cet été. C'était une exposition sur les peintres surréalistes qui, au lieu de peindre le désespoir de la Seconde Guerre mondiale, s'était tournée vers le soleil, vers les couleurs chaudes, vers de la poésie plus légère. Et là, au contraire, dans la première salle de l'exposition, dans un des textes, il y avait marqué qu'il était inspiré Beisvitz par Dr. Amon et Antonin Artaud. Et là, au contraire, c'était le surréalisme en pleine nuit, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes références culturelles. Ouais, je pense que les Français n'ont pas vécu la guerre de la même façon. D'abord... on l'a gagné avec l'aide de tas de gens. On était dans le bon camp à la fin. Mais eux, ils avaient en plus un sentiment de vaincu, puis l'Allemagne était complètement ravagée. Hein. Mais c'était des Français. En France, c'était terrible, mais en Allemagne, je pense que c'était bien pire. Il n'y avait pas que des Français. Et là, par exemple, Antonin Artaud, c'est quand même un grand poète surréaliste. Et donc. C'est juste comment deux sources. Lui, il était très inspiré par Artaud. Là, elle n'en a pas parlé, mais il faisait partie du club. Où ils faisaient des... Comment ils appelaient ça? Des tétras... Tu te rappelles pas? Ah oui, l'écriture... Ouais, c'est un peu comme l'écriture automatique des surréalistes. Oui, ça, oui. Et en fait, il y avait une émulation aussi de groupe. Et là, on parle il est mort très jeune, et puis il était quand même très... Oui. Il a été hospitalisé très longtemps, hein. Était complètement... Parce qu'est-ce que deux inspirations surréalistes par rapport à des histoires personnelles et des parcours, ce que ça peut donner en peinture. Ouais, c'est complètement... Je trouve ça intéressant quand on se la veut faire au... Deux expositions en tête. C'est intéressant. C'est sûr aussi que ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, dans quel pays. C'est là où on voit que, quand même, la culture, c'est très différent en fonction de ce qu'on a vécu. Je pense qu'il devait y avoir un certain sens neuroatypique au niveau de la perception des planes et des surfaces pour imaginer de faire des choses en découpé, en gros plan, à l'envers, en mélange, à l'intérieur, vu de... Je pense qu'il avait une vision un peu facilitée en normal. J'aime pas mal. Mais c'est pas une dyslexie ou je sais pas, mais c'est une fluidité de perception. Parce que les gravures ont été faites. C'est pas un gravure qui l'a fait de plein de doigts comme il a imprimé à un truc. Il a gravé. À l'angle droit, c'est comme celui qui est à l'envers à l'endroit, mais même qui a été droit caché à gauche. Oui, mais Antonin Artaud, il est né en 1896. En Georges voit le bombardement de Dresde en février 1945 dans le reflet des flammes. Dès 1948, à la suite du processus de dénazification RDA, son père n'est plus autorisé à exercer. Tu vois, drôlement marqué. Parce que son père, qui était considéré comme un héros, qui s'est battu pour le pays, etc., il se retrouve à nouveau, par la suite, à nettoyer, parce qu'il disait les tuyauteries, je ne sais plus trop quoi, alors que c'était quelqu'un de cultivé. Tout à fait. Donc des parents éduqués, instruits, et que le pays se retourne contre. Ouais, c'est bizarre. Il y a un renversement de situation. C'est peut-être pour ça qu'il a fait les trucs à l'envers, quoi. Ça doit drôlement quand même influer sur sa façon de... Peut-être pour ça, hein. Le retournement. Mais le plus truc qu'il a fait, c'est avant de retourner, c'est il avait découpé les triptyques, en fait. Il avait désassocié les images. Il avait désassocié et ensuite il a retourné. Mais avant ça, il avait un peu morphé les arbres rouges. C'était un peu un hybride. Non, c'était vraiment... ça donne à réfléchir, ça donne encore à fouiller. Moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est ça. C'est les sculptures avec sur pain de bois, là. De prendre le pain de bois, le pain de bois et le couper à la hache. Moi, ça m'a bien inspiré. Oui, ça serait bien qu'on ait un moulin à la palette. C'est une friche à côté de la galerie qui fait des statues à l'âge. Oui. Non, mais ça, c'est à découvrir. C'était Partage, podcast.